بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا عند قول المصنف وأن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر. On est arrivé au niveau des paroles de l'auteur qui dit, c'est-à-dire on est toujours dans les invocations de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab pour le lecteur de ses écrits. Donc là, il invoque pour lui en disant que, en demandant qu'Allah fasse de lui une personne qui, si elle tombe dans le péché, elle se repent à Allah Azza wa Jal. هناك الاستغفار وهناك التوبة، هل هما سواء؟ يا لمو الاستغفار يا لمو التوبة. طيب اسكو التوبة سي باغي كو الاستغفار، ما الفرق إذا؟ Le taouba, c'est vraiment de. On demande pardon, mais on revient plus sur le. On demande pardon, mais on revient plus sur le péché. On ne sert pas, non. Tu demandes pardon, ça. Tu demandes pardon, ça, non. L'esterfa, vous avez déjà comme ça, enfin, tu le fais comme ça. L'esterfa, l'esterfa. Alors que le taouba, c'est. Tu le fais. Sauf quand tu as fait un péché. Jamil. Jamil. Yani l'istighfar, la demande de pardon, et le tawba, c'est-à-dire le repentir, ils différencient par rapport à plusieurs de plusieurs points de vue. Le premier, c'est que l'istighfar, la demande de pardon, tu peux la faire après un péché comme tu peux la faire à n'importe quel moment, même s'il n'y a pas de péché qui devance cette demande. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marra. Ils ne font pas de péché les anbiya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith qu'il demande un pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Et le tawbah, parmi les différences entre le tawbah et l'istighfar, c'est que le tawbah, c'est le rujou' ila Allah azza wa jal wa l'iqla' anid-damb wa nadam. Le tawbah, c'est le fait de revenir à Allah azza wa jal en repentant, tout en laissant le péché. Tout en laissant le péché et en le regrettant. Ça, c'est le tawba. Amma l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, Azza wa Jal, c'est en vérité, c'est de demander le voile d'Allah, Azza wa Jal, le voile, c'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il cache tes péchés. Il cache tes péchés aux yeux de qui ? Des créatures. Aux yeux des créatures. Ou illa hal الذنوب عند الله مخفية؟ est-ce que les péchés auprès d'Allah سبحانه وتعالى peuvent être cachés؟ لا. لكن لما تقول استغفر الله تطلب من الله الستر، tu demandes à Allah سبحانه وتعالى qui cache tes péchés des gens. وعدم الافتضاح. نعم. وكذلك c'est aussi, c'est-à-dire tu demandes à Allah qui cache tes péchés, mais aussi qui te protège contre les traces de ces péchés. Mais aussi qui te protège contre les traces de ce péché. Ça va ? طيب وهذا كما نقول في مسألة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع الاستغفار والتوبة si tu les trouves dans une phrase et ils sont tous deux séparés alors ils ont le même sens hein? Mais ici ils sont tous les deux dans la même phrase alors chacun il prend le sens que nous venons de vous évoquer. Donc est-ce que c'est toute personne, est-ce que toute personne qui fait l'istighfar, elle fait obligatoirement tawba? Là, non. ليس كل من استغفر الله عز وجل تاب. Vous allez trouver beaucoup de gens qui disent astaghfirullah, astaghfirullah. لكن التوبة لم يكن. Pourquoi? Parce que التوبة la وشروط, le repentir. La personne qui dit je me repens à Allah عز وجل, il y a des conditions à cela. C'est quoi ces conditions? هذه أولها. لا تذهب بعيد وقريب منك. Tout proche de toi. Tu connais très bien ce premier chart, la première des conditions, tu la connais très très bien. Aïe. L'année. Tamam. C'est-à-dire, elle est khlas. Quand elle demande pardon à Allah Azzawajal, elle ne fait pas ça pour qui que ce soit. Autre qu'Allah Azzawajal. Non. Taïb. Elle est khlas. Bien yakuna qasda l'insan bitoubatih. وجه الله c'est-à-dire que lui quand il fait tawba il ne recherche que la face d'Allah عز وجل non ça c'est la première des conditions la deuxième des conditions نعم الندم على الذنب الندم على فعل المعصية le fait de regretter le péché. لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على صدقه في توبته. Parce que le fait que la personne elle ressente un regret, un fort regret, ça montre sa véracité dans son repentir. Ça va? La personne elle peut tomber dans un ma'asiyah où elle a tashur. Elle ne sent même pas que. Elle ne regrette même pas. Pour elle, c'est normal, عادي. فهذا توبته ماذا يكون؟ Est-ce que son توبة est مقبول ou la مقبول؟ La personne qui n'a pas de regret par rapport à son péché. Mais elle dit à توبة الله. Elle est sincère quand elle dit ça. غير مقبول. هذه شروط لا بد منها لقبول التوبة. طيب الندم. الشرط الثالث يا أبا زكريا. La ferme intention de ne pas recommencer. La ferme intention de ne pas recommencer. نعم. أو قبل هذا أن يقلع من الذنب. Qui délaisse le péché. تمام. Ça c'est avant de. Qui délaisse le péché. بأن يقلع. أن يقلع من الذنب. Il délaisse ce péché. Si son péché c'était, je sais pas moi, la fumette, qui délaisse. Tamam? Si son péché c'était les femmes, qui délaisse. Si son péché c'était le vol, qui délaisse. Tamam? An yaqla' min al-dhanb alladhi huwa fihi. ça, c'est le charge le plus important. Si tu veux vraiment que ton tawba soit accepté, que tu délaisses ce péché. Quand on dit délaisser ce péché, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas plus retomber dedans. Ça va ? Mais ça veut dire que toi, comme on va voir dans le chart, dans la quatrième condition, comme l'a dit Abou Zakaria, tu as la ferme intention de ne pas recommencer. C'est-à-dire, quand au moment où tu fais tu demandes pardon à Allah Azzawajal, et tu te repens à Allah, tu as la ferme intention de ne pas recommencer ce péché-là. Après cette demande, il va se passer du temps, peut-être un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, trois semaines. Il se peut que ton iman il faiblisse et tu retombes dans le même péché. Ça va ? Mais ça veut pas dire que parce que tu es retombé dans ce péché-là, que ta demande de pardon simple que tu avais fait une ou deux semaines, elle n'était pas valable. Ben, elle était valable, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tu avais répondu à toutes les conditions. Ça va ? طيب نعم طيب donc on a dit la troisième condition أن يقلع من الذنب الذي هو فيه وهو من أهم الشروط والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله. Le fait quand tu dis tu délaisses le péché. Si le péché c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as délaissé. Alors le fait de délaisser ce péché, comment il se concrétise ? En faisant l'ordre d'Allah Azzawajal, en accomplissant l'ordre d'Allah Azzawajal. Par exemple, si ton péché, c'était de délaisser la prière, alors, le fait de délaisser ce péché-là, c'est de faire la prière. C'est bon ? D'accord ? Quand tu dis tu te repens d'une chose, tu dis par exemple je me reprends de l'alcool, ça va? Quand toi tu te repens, tu te dois de laisser l'alcool directement. C'est pas tu dis je me repens, tu dis demain je vais arrêter, ou après demain je vais arrêter, ou dans quelques heures j'arrête. Là. هذه توبة غير مقبولة لا بد من الإقلاع فورا فورا تتدير directement tu te débarrasses de ça. نعم طيب قال والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق بحق الله عز وجل فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل لا يجوز أن تتحدث أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين. طيب لا c'est une مسألة. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si ton péché il est en relation avec Allah عز وجل, alors là ton tawba il est entre toi et lui. Ton tawba, il est entre toi et lui. Taïeb, Ça sous-entend quoi, ça? Ça veut dire que ton péché, le péché dans lequel tu es tombé, t'as pas à le raconter aux gens. T'as pas à le raconter aux gens. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'a comblé de sa protection et de son sitre, de son voile, alors tu te dois de respecter cela et de ne pas évoquer tes péchés aux gens. Ça va? Taïb. Qadirul Qa'il. Mais nous, on a des athars des compagnons qui parlaient, où ils évoquaient des moments qui leur sont arrivés, fil jahiliya. Des moments qui leur sont arrivés, fil jahiliya. Par exemple, ils évoquaient, comme c'est venu dans l'histoire de Omar, qu'ils pouvaient se retrouver à faire une statuette en date, et ils l'adorent. Et à la fin de la journée, il mange une partie. Non. Fa hada laysa min hada al-bab. Parce que ça, le fait qu'il raconte ça, en vérité, c'est pour élever et faire l'éloge de la situation dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé aujourd'hui. Et c'est un rappel pour lui, pour les musulmans, des zulumats dans lesquels il sort. Donc ça, c'est pas blâmable. Donc ceci n'est pas blâmable. Tout comme le récit de Ja'far ibn Abi Talib, lorsqu'il est parti parler au Najash, et qu'il lui a dit, nous étions un peuple qui mangeait de la bête morte, qui le fort parmi nous mangeait le faible. Et il a évoqué bon nombre d'exactions qui étaient courantes à l'époque, de la Jahiliya. Ça va? Ça, si c'est pour un but bien précis, comme le fait de montrer la grandeur de l'islam ou autre, fa la basse, mais avec en faisant très attention de ne pas transgresser et d'essayer de au maximum de ne pas dévoiler ou de ne pas dévoiler les péchés qui ont pu être commis en secret. Ça va? Au fond. Donc, à la kulli hal, ça c'est les péchés entre là, c'est le serviteur et son seigneur. Amma idha kana adam baynaka wa bayna al-khalq fa in kana malan fala budda an tu'diyahu ila sahibihi wa la tuqbal at-tawbah illa bi adaihi mithlu an takuna qad sarqta malan min shakhs. وتبت من هذا فلا بد أن توصل المسروق نعم المسروق إلى المسروق منه. طيب. Maintenant, si le péché concerne toi et une créature, par exemple, t'as volé une personne. طيب. Alors là, ton repentir ne sera pas accepté jusqu'à ce que tu le remettes ce que tu l'as volé. Si toutefois c'est de l'argent ou si c'est un bien. D'accord. Il se peut que quelqu'un te demande, il te dise, mais si je lui ramène les sous que je lui ai volés, par exemple dans la Jahili, il se peut que lui il me fasse des problèmes énormes. Je peux rentrer en prison, je peux faire des années et des années. Ou dans certains pays, je peux être mis à mort alors que je me suis repenti. T'as bien? Là, certains savants, comme sur le Thémi, ou autres, ils vont conseiller à la personne de faire tout leur possible pour ramener cet argent, même sans évoquer la provenance. Si la personne a un jardin, il jette l'argent par-dessus le jardin, par-dessus le mur, elle se met dans son jardin, autre. Ou il lui envoie par la poste ou autre. Ça va? Ah, monsieur, il faut que ce qu'il a pris de la personne, que ça lui soit rendu. طيب قال طيب واذا وقال بعد ذلك واما اذا كانت المعصيه التي فعلتها مع البشر ضربا وما اشبه فاذهب اليه فذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته إن كان على الظهر فعلى الظهر وإن كان على الرأس فعلى الرأس وفي أي مكان ضربته فليقتص منك لقول الله عز وجل وجزاء السيئات وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. Donc si jamais le tort que toi t'as causé à quelqu'un, tu l'as frappé ou autre, alors tu dois te rendre à cette personne-là et lui dire frappe-moi là où je t'ai frappé. Et de la même force, si je puis dire. Non. Très. Et si c'était de la médisance? An yakuna yani, si c'était de la médisance, comment ça se passe? Pareil, de la même manière, à part s'il craint que ça fasse un mal plus grand et qu'il ne lui parle plus ou... Yani, il va et lui dit je médis de toi. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبير كبيرا لكن la vie la plus juste c'est que il fasse des dua pour la personne et que il ne lui dise pas ce qu'il a pu dire comme médisance sur lui mais qu'il fasse son éloge devant ceux à qui il a parlé de lui pas mal tamam. Ça, c'est la vie plus juste. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est le midi. Comme dans le hadith de Safiyya bint Huyay, lorsqu'il l'a accompagné en sortant de la mosquée, il a dit « Ala rislikum » et qu'il a vu deux compagnons qui l'ont croisé. Dès que les compagnons l'ont croisé, ils ont accéléré la marche. Le prophète, c'est le midi, « Ala rislikum »« Inna Safiyya bint Huyay » Il dit « Marchez tranquillement, ce n'est que Safiyya bint Huyay » C'est-à-dire, c'est mon épouse. N'ayez crainte, ce n'est pas... C'est pas une femme d'ailleurs. Et eux, ils ont dit, Subhanallah, ya Rasulallah. Comment penserait-on de toi du mal? Et le prophète sallam a dit, Inni khashitu an yaqdifa ash-shaytan fi qulubikuma shay'an. Inna ash-shaytan yajri min ibn Adam majra ad-dam. Fa inni khiftu aw khashitu an yaqdifa fi qulubikuma shay'an. Il leur a dit, certes, moi je crains au shaytan. Il coule dans les veines d'Ibn Adam. Shaitan, il coule dans les veines d'Ibn Adam. Et moi, je crains qu'il jette dans vos cœurs, madame, une chose. Ça, c'est le prophète, ça, c'est là. Envers des compagnons. Sur une chose, il n'y a même pas... Il n'y a pas eu de parole. Alors, quand serait-il pour quelqu'un, tu vas le voir, tu lui dis, oui, en fait, j'ai dit ça sur toi, tel ou tel jour, devant telle ou telle personne. C'est pas cher. Même s'il ne te montre rien aujourd'hui, peut-être demain, ça rentre dans son cœur. Vous voyez? Donc le mieux, c'est de ne pas en parler, de faire son éloge devant ceux à qui t'as parlé, et même de te repentir devant les gens à qui t'as parlé de lui. T'as mal? Maintenant, قَدَّرَ اللَّهَ كَمَا يَحْسُلْ عِنْدَ الْكَثِيرِ. Toi, t'as parlé sur une personne. Et le khabar, il lui est venu à cette personne. Là, comment tu fais? Tu vas voir la personne, tu lui demandes qu'il te pardonne. Aïe, voilà. Tu vas voir la personne et tu lui demandes qu'il te pardonne. Et tu lui informes, là, à ce moment-là, tu lui dis, oui, c'est vrai, j'ai bien dit ça, j'ai dit ceci, ça. Pourquoi? Parce que là, ça y est, le mal est fait. C'est déjà venu dans ses oreilles. Donc, ça ne sert à rien de rester sac, de rester... bouche cousue. T'as mal? Non. T'as dit. Et donc là, on a vu, jusque-là, on a vu combien de shurut du Tawbah? 4. 4? 5? 4? On n'a pas vu encore 4. Combien? C'est la 4ème, c'est. Combien? Combien vous? Moi j'en ai noté 3, le 4ème on n'a pas détaillé. Ah, le 4ème on n'est pas rentré dedans. T'es pas sûr, là on est que dans les. Pour l'instant on a évoqué 3 conditions. La 3ème c'est qu'il délaisse le péché. T'as mal? Dans le fait qu'il délaisse le péché, on s'est un peu évadé lorsqu'on a dit qu'il y a des péchés qui sont en rapport avec Allah Azzawajal. Cela, c'est entre la personne et son serviteur. Et il y a des péchés qui sont avec la créature. Et c'est là on a fait un petit détail. On a détaillé. La troisième condition, c'est comme a dit notre frère Abou Zakaria, madame. Et les sept péchés, on a dit, c'est la troisième. Parce que t'as dit la troisième. Ah, la quatrième, alors, la quatrième. Et l'intention de ne pas recommencer. Voilà, avoir l'intention de ne pas recommencer. Fahwa al-azm ala an la ya'oud fil mustaqbal. Fahwa al-azm ala an la ya'oud fil mustaqbal. طيب يذكرون سنتين إذا كان ساكن من ساكن كونديسيون Donc, pour expliquer, c'était de parler de mal convaincu, mais tu ne vas pas entrer en droit. C'est quoi les conditions que vous avez? Ah, c'est ça. Voilà, il va te les répéter. C'est un moment que la Tawba l'a accepté. Aïe, que ce soit dans un moment où la Tawba elle est acceptée. Parce qu'il y a des moments où la Tawba elle n'est pas acceptée, Mohamed. Allah alam. Dans la bonne de la mort, quand le soleil. Aïe, puis. موضعين في سقرة الموت dans l'agonie de la mort, ça y est, le Toba il est plus accepté. Tamam, les affres de la mort. Et Kadarek, si le soleil il se lève de l'Occident au lieu de se lever de l'Orient, là il n'y a plus de Toba. Donc le Toba, pour qu'il soit accepté, il faut absolument qu'il y ait ces cinq conditions. طيب طيب نكتفي بهذا الخبر و إذا كان من خالص المال الحرام si son argent il est purement et simplement du haram qu'il le dépense dans Masalih al-Muslimin, dans ce qui va être utile pour la communauté musulmane. Certains savants ils disent, ils sont de cet avis, d'autres ils disent que son argent il devient halal du moment que istaqama sha'nu. Istaqama sha'nu. Mais yani, l'avis le plus juste c'est que son argent, il reste haram, comme quelqu'un qui faisait des banques, maintenant. Ça va? Il rentre dans l'islam, on ne va pas lui dire son argent, il est halal. À la fois, il a des accords seulement. Yanni, son argent, il reste haram. Bon, là, c'est un vol, normalement, il doit le rendre. Ça va? Mais on va prendre quelqu'un, un vendeur de drogue, maintenant. Son argent, il est haram, il sort du haram. Ça va? Lui, il peut l'utiliser pour les bienfaits, masalih al-muslimin. Masalih al-muslimin. Quand on dit masalih al-muslimin, c'est les choses qui sont utiles pour les musulmans. Mais maintenant, certains savants, et c'est une parole qui est forte aussi, ils te disent c'est pas toute chose qui est. Il ne peut pas mettre cet argent-là, par exemple, pour la construction des mosquées. Parce que la mosquée, c'est une chose pure. Ça ne peut pas être construit sur du haram, ou ça ne doit pas être construit sur de l'argent haram. Donc eux ils disent ça c'est pour ce qui est utile aux musulmans, mais dans les choses, dans les bassesses. Par exemple le fait de faire des égouts, des choses, soit des égouts, d'améliorer les systèmes d'évacuation des égouts ou un truc, ou quelque chose dans la sorte. Ou des WC, des trucs, voilà. Améliorer les toilettes de la mosquée, par exemple. La vivace. C'est celui qui fait Tawba de riba. Celui qui fait Tawba de riba? Adjan Nas. Mais pourquoi on ne fait pas qu'il y a ça avec les Yani, Al-An, Awalan, Al-Riba, t'as deux T'as deux sourates. T'as deux sourates. T'as le fait que toi, t'as fait tawba de riba, Allah subhanahu wa ta'ala, il roule, falahu, ma'ala. Fa'afa Allahu amma salaf. Afa Allahu amma salaf. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne ce qui est passé. Tamam. Ça, celui, il a tourné la page. Ça y est, le tawba. Mais celui, il a fait tawba. Par exemple, là, tu fais tawba. Mais dans tes mains, cet argent, il est encore. T'as encore de l'argent haram. T'as encore de l'argent de où il y a du riba. Mais tu viens de faire tawba, là, sur le hal. Lui, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son chef? Il dit, falakum ru'us amwalikum. Vous devez prendre la... Vous devez récupérer de cet argent-là votre investissement. Ça va? C'est-à-dire que là, il l'a dans les mains, l'argent. Il ne peut plus le manger à volonté. Genre, on dit, ouais, ça y est, c'est... Ma'fou'an. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, yani, ce qui vous appartient, c'est votre ra's al-mal, votre investissement. Vous reprenez votre investissement. Ça va? Parce que ceux qui ont dit que l'argent haram, on fait le qiyas à la riba, ils ont oublié cette sourate. Que le riba, ça y est, c'est des choses, par exemple, toi, t'as fait du riba, t'as mangé l'argent. Khalas, Allah t'a pardonné. T'as construit une maison, ça y est, ta maison, elle est à toi, et khalas, c'est fini. Mais maintenant, si toi, t'as encore de l'argent de riba dans tes mains, tu vois, t'as encore de l'argent de riba, est-ce que tu peux le manger comme ça? Non. Parce que t'as le verset d'après qui dit, walakum ru'us amwalikum. Vous avez le droit de récupérer votre investissement, c'est tout. Pas plus. Allah Ta'ala. C'est-à-dire qu'une personne qui a, avec du riba, elle a construit une maison pour elle peut la garder? Ouais, si elle a fait tawba, khalas. Tabarallah. Allez, bien sûr, avec les shurut de tawba. Qui c'est qui nous rappelle les shurut de tawba pour Al-Ithman? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, voilà. Al-Ikhlas, Al-Ma'asi. Al-Ikhlas, Al-Ma'asi. Ou qu'abla hada? Qu'abla hada, Fichi? قبل هذا قبل هذا le regret يعني le premier du le premier tauba la première le, en fait la pro, le premier ressenti du tauba il vient dans le regret, c'est-à-dire t'es tombé dans le péché avant même que tu te repentisses, déjà ça y est, tu le regrettes déjà. N'importe quel péché. Donc, l'ikhlas, l'adab, ensuite, iqla' an adam, le fait de délaisser le péché. Ensuite, qu'il ait la ferme motivation de ne pas revenir sur le péché. Ok, d'accord. Wa alaykum salam. Inch'Allah. Allah al-musta'an. Audi. Hamdulillah, Allah al-Yahis. Hein? Si ça concerne un cadre, si ça concerne une personne, il doit. Si ça concerne une personne, voilà, si, naam. Si le péché il est relatif avec une personne, il se doit de s'acquitter du tort causé à cette personne. Si c'est de l'argent, il doit lui rendre cet argent-là. Si c'est un tort qu'il lui a fait physiquement, il doit demander à la personne de lui rendre ce même tort. T'as main? Ou si c'est de la médisance, alors comme on a évoqué. Vous voyez là, on va rentrer dans sous la feuille, même si c'est pas longtemps.